Vronsky, quoique absorbé par sa passion, n'avait rien changé au cours extérieur de sa vie. Il avait conservé toutes ses relations mondaines et militaires. Ce régiment gardait une place importante dans son existence, d'abord parce qu'il l'aimait, et plus encore parce qu'il y était adoré. On ne se contentait pas de l'y admirer, on le respectait, on était fier de voir un homme de son rang et de sa valeur intellectuelle placer les intérêts de son régiment et de ses camarades au-dessus des succès de vanité ou d'amour-propre auxquels ils avaient droit. Vronsky se rendait compte des sentiments qu'il inspirait et se croyait en quelque sorte tenu de les entretenir. D'ailleurs, la vie militaire lui plaisait par elle-même. Il va sans dire qu'il ne parlait à personne de son amour. Jamais un mot imprudent ne lui échappait, même lorsqu'il prenait part à quelque débauche entre camarades. Il buvait du reste très modérément, et il savait fermer la bouche aux indiscrets qui se méprêtaient la moindre allusion à ses affaires de cœur. Sa passion était cependant connue de la ville entière, et les jeunes gens enviaient précisément ce qui pesait le plus lourdement à son amour, la haute position de Karénine, qui contribuait à mettre sa liaison en évidence. La plupart des jeunes femmes, jalouses d'Anna, qu'elles étaient lasses d'entendre toujours nommer « juste », n'étaient pas fâchées de voir leurs prédictions vérifiées et n'attendaient que la sanction de l'opinion publique pour l'accabler de leur mépris. Elle tenait déjà en réserve la boue qui lui serait jetée quand le moment serait venu. Les personnes d'expérience et celles d'un rang élevé voyaient à regret se préparer un scandale mondain. La mère de Vronsky avait d'abord appris avec un certain plaisir la liaison de son fils. Rien, selon elle, ne pouvait mieux achever de former un jeune homme qu'un amour dans le grand monde. Ce n'était d'ailleurs pas dans un certain plaisir qu'elle constatait que cette Karénine, qui semblait si absorbée par son fils, n'était après tout qu'une femme comme une autre, autre chose du reste fort naturelle pour une femme belle et élégante, pensait la vieille comtesse. Mais cette manière de voir changea lorsqu'elle sut que son fils, afin de ne pas quitter son régiment et le voisinage de Madame Karénine, avait refusé un avancement important pour sa carrière. D'ailleurs, au lieu d'être la liaison brillante et mondaine qu'elle aurait approuvée, voilà qu'elle apprenait que cette passion tournait au tragique, à la Werther, et elle craignait de voir son fils commettre quelques sottises. Depuis le départ imprévu de celui-ci de Moscou, elle ne l'avait pas revu, elle avait fait prévenir par son frère qu'elle désirait sa visite. Ce frère aîné n'était guère plus satisfait, non qu'il s'inquiétât de savoir si cet amour était profond ou éphémère, calme ou passionné, innocent ou coupable. Lui-même, quoique père de famille, entretenait une danseuse, n'avait pas le droit d'être sévère, mais il savait que cet amour déplaisait en haut lieu et blâmait son frère en conséquence. Vronsky, outre ses relations mondaines et son service, avait une passion qui l'absorbait, celle des chevaux. Des courses d'officiers devaient avoir lieu cet été-là. Il se fit inscrire et acheta une jument anglaise pur sang. Malgré son amour et quoiqu'il y mît de la réserve, ces courses avaient pour lui un attrait très vif. Pourquoi d'ailleurs ces deux passions ne seraient-elles nuies? Il lui fallait un intérêt quelconque en dehors d'Anna pour le reposer des émotions violentes qui l'agitaient. Le jour des courses de Krasnoïe Selo, Vronsky vint plus tard que d'habitude manger un beefsteak dans la salle commune des officiers. Il n'était pas trop rigoureusement tenu à restreindre sa nourriture, son poids répondant aux 4 pounds exigés, mais il ne fallait pas engraisser, et il s'abstenait en conséquence de sucre et de farineux. Il s'assit devant la table, sa redingote déboutonnée, laissant apercevoir un gilet blanc, et ouvrit un roman français. Les deux bras appuyés sur la table, il semblait absorbé par sa lecture, mais ne prenait cette attitude que pour se dérober aux conversations des allants et venants. Sa pensée était ailleurs. Il songeait au rendez-vous que lui avait donné Anna après les courses. Depuis 3 jours, il ne l'avait pas vue et se demandait si elle pourrait tenir sa promesse, car son mari venait de rentrer à Pétersbourg d'un voyage à l'étranger. Comment s'en assurer ? C'était à la villa de Betsy, sa cousine, qu'ils s'étaient rencontrés pour la dernière fois. Il n'allait chez les Karénine que le moins possible. Oserait-il s'y rendre ? Oh, je dirais simplement que je suis chargé par Betsy de savoir si elle compte venir aux courses. Oh oui, certainement, j'irai, décida-t-il intérieurement. Et son imagination lui peignit si vivement le bonheur de cette entrevue que son visage rayonna de joie au-dessus de son livre. « Fais dire chez moi qu'on attelle au plus vite la troïka à la calèche, » dit-il au garçon qui lui servait son beefsteak tout chaud sur un plat d'argent. Il attira vers lui l'assiette et se servit. On entendait dans la salle de billard voisine un bruit de billes et des voix causant et riant. Deux officiers se montrèrent à la porte. L'un d'eux, tout jeune, à la figure délicate, était récemment sorti du corps des pages. L'autre, gras et vieux, avait de petits yeux humides et un bracelet au bras. Vronsky les regarda et continua à manger et à lire tout à la fois d'un air mécontent comme s'il ne les eût pas remarqués. « Tu prends des forces, hein ?» demanda le gros officier en s'asseyant près de lui. « Ah, comme tu vois, » répondit Vronsky en s'essuyant la bouche et enfonçant le sourcil, toujours sans les regarder. « Tu crains pas d'engraisser ?» continua le gros officier en avançant une chaise au plus jeune. « Quoi ?» demanda Vronsky en découvrant ses dents avec une grimace d'ennui et d'aversion. « Tu crains pas d'engraisser ?»« Garçon, Luxérès !» cria Vronsky sans lui répondre, et il transporta son livre de l'autre côté de l'assiette pour continuer à lire. Le gros officier prit la carte des vins, l'attendit au plus jeune et lui dit « Va donc, souhaite que nous pourrions boire oh !»« Ben, du vin du Rhin, si tu veux !» répondit celui-ci en tâchant de saisir son imperceptible moustache tout en regardant timidement Vronsky du coin de l'œil. Voyant qu'il ne bougeait pas, il se leva et dit « Allons dans la salle de billard !» Le gros officier se leva aussi et ils se dirigèrent du côté de la porte. Au même moment, entra un capitaine de cavalerie, grand et beau garçon, nommé Yashvin. Il fit aux deux officiers un petit salut dédaigneux et s'approcha de Vronsky. « Ah, te voilà » cria-t-il en lui posant vivement sa main droite sur l'épaule. Vronsky, mécontent, se retourna, mais son visage reprit aussitôt une expression douce et amicale. « C'est bien fait, Alexis, » dit le capitaine de sa voix sonore. « Mange maintenant et avale un petit verre par là-dessus. » « Oh, je n'ai pas faim. »« Ah, ce sont les inséparables, » dit Yashvin, en regardant d'un air moqueur les deux officiers qui s'éloignaient. Et il s'assit, pliant ses grandes jambes étroitement serrées dans son pantalon d'uniforme et trop longues pour la hauteur des chaises. « Pourquoi n'es-tu pas venu au théâtre hier ? La Numérov n'était vraiment pas mal. Où as-tu été ?» « Je me suis attardé chez les Tverskoy. Ah !» Yashvin était au régiment le meilleur ami de Vronsky, bien qu'il fût aussi joueur que débauché. On ne pouvait dire de lui que c'était un homme sans principe, il en avait, mais ils étaient foncièrement immoraux. Vronsky admirait sa force physique exceptionnelle, qui lui permettait de boire comme un tonneau sans s'en apercevoir, et de se passer au besoin complètement de sommeil. Il n'admirait pas moins sa force morale, qui le rendait redoutable même à ses chefs, dont il savait se faire respecter aussi bien que de ses camarades. Au club anglais, il passait pour le premier des joueurs, parce que, sans jamais cesser de boire, il risquait des sommes considérables, avec un calme et une présence d'esprit imperturbables. Si Vronsky éprouvait pour Yashvin de l'amitié, une certaine considération, c'était qu'il savait que sa propre fortune et sa position sociale n'entraient pour rien dans l'attachement que lui témoignait celui-ci. Il était aimé pour lui-même. Aussi, Yashvin était-il le seul homme auquel Vronsky eût voulu parler de son amour, persuadé que, malgré son mépris affecté pour toute espèce de sentiment, il pourrait seul comprendre sa passion avec ce qu'elle avait de sérieux et d'absorbant. Il le savait en outre incapable de bavardage et de médisance, et ses raisons réunies lui rendaient toujours sa présence agréable. « Ah oui, dit le capitaine, lorsque le nom de Tverskoy eut été prononcé, et il mordit sa moustache en le regardant de son œil noir brillant. Et toi, qu'as-tu fait? As-tu gagné? Oh, 8 000 roubles, dont 3 qui ne rentreront peut-être pas. Alors, je puis te faire perdre, dit Vronsky en riant. Son camarade avait parié une forte somme sur lui. Oh, je n'entends pas perdre. Ma hautine seule est à craindre. Et la conversation s'engagea sur les courses, le seul sujet intéressant du moment. Allons, j'ai fini, dit Vronsky en se levant. Yashvin se leva aussi en étirant ses longues jambes. Oh, je ne puis dîner de si bonne heure, mais je vais boire quelque chose. Je te suis. Garçon, du vin, cria-t-il de sa voix tonnante. Cette voix était une célébrité au régiment. Oh non, au fait, c'est inutile, cria-t-il aussitôt après. Si tu rentres chez toi, je t'accompagne. Vronsky occupait une grande izba finnoise, très propre, et divisée en deux par une cloison. Petritsky demeurait avec lui au camp, aussi bien qu'à Pétersbourg. Il dormait lorsque Vronsky et Yashvin entrèrent. « Assez dormir, lève-toi !» dit Yashvin en allant secouer le dormeur par l'épaule, derrière la cloison où il était couché, le nez enfoncé dans son oreiller. Petritsky sauta sur ses genoux et regarda autour de lui. « Ton frère est venu, » dit-il à Vronsky. « Il m'a réveillé. Que le diable emporte. Et il a dit qu'il reviendrait. » Là-dessus, il se rejeta sur l'oreiller en ramenant sa couverture. « Laisse-moi tranquille, Yashvin » cria-t-il avec colère à son camarade qui s'amusait à lui retirer sa couverture. Puis, se tournant vers lui et ouvrant les yeux, « Oh, tu ferais mieux de me dire ce que je devrais boire pour m'ôter de la bouche ce goût désagréable. »« Oh, de l'eau de vie avant tout !» ordonna Yashvin de sa grosse voix. « Terechenko, vite un verre d'eau de vie et des concombres à ton maître !» cria-t-il en s'amusant lui-même de la sonorité de sa voix. « Tu crois ?» demanda Petritsky en se frottant les yeux avec une grimace. « En prendras-tu aussi ? Oh, si c'est à deux, je veux bien. Vronsky, tu boiras aussi ?» Et, quittant son lit, il s'avança enveloppé d'une couverture tigrée, les bras en l'air, chantonnant en français. « Il était un roi de Tulé. Boiras-tu, Vronsky ?»« Va te promener, » répondit celui-ci, qui endossait une redingote apportée par son domestique. « Où comptes-tu aller ?» lui demanda Yashvin en voyant approcher de la maison une calèche attelée de 3 chevaux. « Voilà ta troïka. »« À l'écurie et de lâcher Vronsky avec lequel j'ai une affaire à régler, » dit Vronsky. Il avait effectivement promis à Bransky de lui porter de l'argent et celui-ci demeurait à 10 verstes de Peterhof. Mais ses camarades comprirent aussitôt qu'il allait encore ailleurs. Petritsky cligna de l'œil avec une grimace qui signifiait « Nous savons ce que Vronsky veut dire » et il continua à chanter. « Ne t'attarde pas !» se contenta de dire Yashvin et, changeant de conversation. « Et mon roman, fait-il ton affaire » demanda-t-il en regardant par la fenêtre le cheval du milieu qu'il avait vendu. Au moment où Vronsky allait sortir, Petritsky l'arrêta en criant « Ah, attends donc, ton frère m'a laissé une lettre et un billet pour toi. Qu'en ai-je fait ?»« Oh, c'est là la question !» déclama Petritsky, élevant l'index au-dessus de son nez. « Eh, parle donc, es-tu bête ?» dit Vronsky en souriant. « Ah, j'ai pas fait de feu dans la cheminée. Ça doit être ici, quelque part. »« Ah non, voyons pas de compte. Où est la lettre ?»« Ben, je t'assure que je l'ai oubliée. J'ai peut-être vu tout cela en rêve. Attends, ne te fâche pas. Si t'avais bu comme je l'ai fait hier, tu saurais même pas où tu as couché. Attends, je vais tâcher de me rappeler. » Petritsky retourna derrière la cloison et se recoucha. « C'est ainsi que j'étais couché. Lui se tenait là, oui, mais m'y voilà. » Et il tira une lettre de dessous son matelas. Vronsky prit la lettre et accompagna un billet de son frère. C'était bien ce qu'il supposait. Sa mère lui reprochait de n'être pas venu la voir, et son frère lui disait qu'il avait à lui parler. « Ben, en quoi cela les regarde-t-il » murmura-t-il, pressentant de quoi il s'agissait. Et il chiffonna les deux papiers qu'il introduisit entre les boutons de sa redingote avec l'intention de les relire en route plus attentivement. Au moment de quitter l'isba, il rencontra deux officiers dont l'un appartenait à son régiment. L'habitation de Vronsky servait volontiers de lieu de réunion. « Où vas-tu ? » ?»« À Peterhof, pour affaire. »« Le cheval est-il arrivé ?»« Oui, mais je ne l'ai pas encore vu. »« On dit que Gladiator de Mahotine boite. »« Oh, des bêtises ! » !»« Comment ferez-vous pour courir avec une boue pareille ?»« Voilà mes sauveurs !» cria Petritsky en voyant entrer les nouveaux venus. Son ordonnance, debout devant lui, tenait sur un plateau de l'eau-de-vie et des concombres salés. « C'est Yasvin qui m'ordonne de boire pour me rafraîchir. »« Vous nous avez donné de l'agrément hier soir, » dit un des officiers. « Grâce à vous, nous n'avons pu dormir de la nuit. »« Ah, il faut vous dire comment cela s'est terminé, » se mit à raconter Petritsky. « Volkov est grimpé sur un toit et nous a annoncé de là qu'il était triste. »« Faisons de la musique, ai-je proposé. Une marche funèbre. » Et au son de la marche funèbre, il s'est endormi sur son toit. Et bois donc ton eau de vie et parle là-dessus de l'eau de Seltz avec beaucoup de citron, dit Yasvin, encourageant Petritsky comme une mère qui veut faire avaler une médecine à son enfant. Après cela, tu pourras prendre un peu de champagne, une demi-bouteille. Voilà qui a le sens commun. Vronsky, attends un peu et bois avec nous. « Non, messieurs, adieu, je ne bois pas aujourd'hui. »« Pourquoi ? De crainte de l'alourdir ? Alors, buvons sans lui, qu'on apporte de l'eau de sel, c'est du citron. »« Vronsky ! » cria quelqu'un comme il sortait. « Qui a-t-il ? Tu devrais te faire couper les cheveux, de crainte de t'alourdir, sur le front surtout. » Vronsky commençait en effet à perdre ses cheveux. Il se mit à rire et, avançant sa casquette sur son front, là où ses cheveux devenaient rares, il sortit et monta en calèche. « À l'écurie » dit-il. Il allait prendre ses lettres pour les relire, mais, afin de ne penser qu'à son cheval, il remit sa lecture à plus tard. L'écurie provisoire, une baraque en planches, se trouvait à proximité du champ de course. Le dresseur, ayant seul monté le cheval pour le promener, Vronsky ne savait trop dans quel état il allait trouver sa monture. Un jeune garçon, qui faisait office de groom, reconnut de loin la calèche et appela aussitôt le dresseur, un Anglais au visage sec, orné au menton d'une touffe de poils. Celui-ci vint au-devant de son maître en se dandinant à la façon des jockeys, les coudes écartés du corps. Il était vêtu d'une jaquette courte et chaussé de bottes à l'écuyère. « Comment va Foufrou ?» demanda Vronsky en anglais. « All right, sir, » répondit l'anglais du fond de sa gorge. Mieux vaut ne pas entrer, ajouta-t-il en soulevant son chapeau. Je lui ai mis une muselière et cela l'agite. Si on l'approche, elle s'inquiétera. Bon, j'entrerai tout de même, je veux la voir. Alors allons, répondit avec humeur l'Anglais, toujours sans ouvrir la bouche. Et de son pas dégingandé, il se dirigea vers l'écurie. Un garçon de service en veste blanche, balai en main, propre et alerte, les introduisit. 5 chevaux occupaient l'écurie, chacun dans sa stalle. Celui de Mahotin, le concurrent le plus sérieux de Vronsky, Gladiator, un alezan de 5 vershok, devait être là. Vronsky était plus curieux de le voir que de voir son propre cheval, mais, selon les règles des courses, il ne devait pas se faire montrer, ni même se permettre des questions à son sujet. Tout en marchant le long du couloir, le groom ouvrit sa porte de la seconde stalle et Vronsky entrevit un vigoureux alezan aux pieds blancs. C'était Gladiator. Il le savait, mais se retourna aussitôt du côté de Froufrou, comme il se fût détourné d'une lettre ouverte qui ne lui aurait pas été adressée. « C'est le cheval de Mac, dit l'Anglais, sans arriver à prononcer le nom, indiquant la salle de Gladiator de ses doigts aux ongles crasseux. « Ah, de Mahotin, oui. C'est mon seul adversaire sérieux. « Si vous le montiez, je parierais pour vous, dit l'Anglais. « Foufou est plus nerveuse. « Celui-ci plus solide, répondit Vronsky en souriant de l'éloge du jockey. Oh, « Dans les courses avec obstacles, tout est dans l'art de monter, dans le pluck, dit l'Anglais. « Le pluck, c'est-à-dire l'audace et le sang-froid. Vronsky savait qu'il n'en manquait pas et qui plus est, il était fermement convaincu que personne ne pouvait en avoir plus que lui. Vous êtes sûr qu'une force transpiration n'était pas nécessaire ? Du tout, répondit l'Anglais. Ne parlez pas haut, je vous prie, la jument s'inquiète, ajouta-t-il en faisant un signe de tête du côté de la stalle fermée où l'on entendait piétiner le cheval sur sa litière. Il ouvrit la porte. Et Vronsky entra dans le box faiblement éclairé par une petite lucarne. Un cheval bai, brun, avec une muselière, y foulait nerveusement la paille fraîche. La conformation un peu défectueuse de son cheval favori sauta aux yeux de Vronsky. Foufou était de taille moyenne, son ossature était étroite, sa poitrine également, quoique le poitrail fût saillant. La croupe était légèrement fuyante et les jambes, surtout celles de derrière, un peu cagneuses. Les muscles des jambes paraissaient faibles et les flancs très larges, malgré l'entraînement qu'elle avait subi et la maigreur de son ventre. Au-dessous du genou, ses chambres, vues de face, semblaient de vrais fuseaux. Vues de côté, au contraire, elles étaient énormes. Sauf ses flancs, on l'aurait dit creusés des deux côtés. Mais elle avait un mérite qui faisait oublier tous ses défauts. Elle avait de la race, du sang, comme disent les Anglais. Ses muscles faisaient saillie sous un réseau de veines recouvertes d'une peau lisse et douce comme du satin. Sa tête effilée, aux yeux à fleur de tête, brillants et animés, ses naseaux saillants et mobiles, qui semblait injecté de sang, toute l'allure de cette jolie bête avait quelque chose de décidé, d'énergique et de fin. C'était un de ces animaux auxquels la parole ne semble manquer que par suite d'une conformation mécanique incomplète. Vronsky eut le sentiment d'être compris par elle, tandis qu'il la considérait. Lorsqu'il entra, elle aspira l'air fortement, regarda de côté, en montrant le blanc de son œil injecté de sang, chercha à secouer sa muselière et s'agita sur ses pieds comme mû par des ressorts. « Vous voyez, si elle est agitée, » dit l'Anglais. « Oh, ma belle, oh !» dit Vronsky en s'approchant pour la calmer. Mais plus il approchait, plus elle s'agitait. Elle ne se tranquillisa que lorsqu'il eut caressé la tête et le cou. On voyait ses muscles se dessiner et tressaillir sous son poil délicat. Vronski remit à sa place une mèche de crinière qu'elle avait rejetée de l'autre côté du garrot, approcha son visage des naseaux qu'elle gonflait et élargissait comme des ailes de chauve-souris. Elle respira bruyamment, dressa les oreilles et tendit son museau noir vers lui pour le saisir par la manche. Mais, empêchée par sa muselière, elle se reprit à piétiner. « Calme-toi, ma belle, calme-toi !» lui dit Vronski en la flattant. Et il quitta la stalle dans la conviction rassurante que son cheval était en parfait état. Mais l'agitation de la jument s'était communiquée à son maître. Lui aussi sentait le sang affluer à son cœur, et le besoin d'action, de mouvement, s'emparait violemment de lui. Il aurait voulu mordre comme elle. C'était troublant et amusant. « Eh bien, je compte sur vous, dit-il à l'anglais, à 6h30 sur le terrain. » Tout sera prêt. Mais où allez-vous, milord ? Demanda l'anglais en se servant du titre de lord qu'il n'employait jamais. Étonné de cette audace, Vronski leva la tête avec surprise et regarda l'anglais comme il savait le faire, non dans les yeux, mais sur le haut du front. Il comprit aussitôt que le dresseur ne lui avait pas parlé comme à son maître, mais comme à un jockey. Et il répondit « J'ai besoin de voir Vronski et serai de retour dans une heure. » Mais combien de fois m'aura-t-on fait cette question aujourd'hui, pensa-t-il. Et il rougit, ce qui lui arrivait rarement. L'anglais le regarda attentivement. Il avait l'air de savoir où allait son maître. L'essentiel est de se tenir tranquille avant la course. Ne vous faites pas de mauvais sang. Ne vous tourmentez de rien. All right, répondit Vronski en souriant et sautant dans sa calèche. Il se fit conduire à Peterhof. À peine avait-il fait quelques pas que le ciel, couvert depuis le matin, s'assombrit tout à fait. Il se mit à pleuvoir. « Oh, c'est fâcheux !» pensa Vronski en levant la capote de sa calèche. « Il y avait de la boue, maintenant ce sera un marais. » Et, profitant de ce moment de solitude, il prit les lettres de sa mère et de son frère pour les lire. C'était toujours la même histoire. Tous deux, sa mère aussi bien que son frère, trouvaient nécessaire de se mêler de ses affaires de cœur. Il en était irrité jusqu'à la colère, un sentiment qui ne lui était pas habituel. Mais quoi ? Cela les concerne-t-il ? Mais pourquoi se croit-il obligé de s'occuper de moi ? De s'accrocher à moi. C'est parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent comprendre. Si c'était une liaison vulgaire, on me laisserait tranquille. Mais ils devinent qu'il n'en est rien, que cette femme n'est pas un jouet pour moi, qu'elle m'est plus chère que la vie. Cela leur paraît incroyable et agaçant. Quel que soit notre sort, c'est nous qui l'avons fait, et nous ne le regrettons pas, se dit-il, en s'unissant à Anna dans le mot « nous ». Mais non, ils entendent nous enseigner la vie, eux qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le bonheur. Ils ne savent pas que sans cet amour, il n'y aurait plus en moi ni joie ni douleur en ce monde. La vie n'existerait pas. Au fond, ce qui l'irritait le plus contre les siens, c'est que sa conscience lui disait qu'ils avaient raison. Son amour pour Anna n'était pas un entraînement passager destiné comme tant de liaisons mondaines à disparaître en ne laissant d'autres traces que des souvenirs doux ou pénibles. Il sentait vivement toutes les tortures de leur situation, toutes ces difficultés aux yeux du monde auxquelles il fallait tout cacher en s'ingéniant à mentir, à tromper, à inventer mille ruses. Et tandis que leur passion mutuelle était si violente qu'il ne connaissait plus qu'elle, toujours il fallait penser aux autres. Ses fréquentes nécessités de dissimuler et de feindre lui revinrent vivement à la pensée. Rien n'était plus contraire à sa nature, et il se rappela le sentiment de honte qu'il avait souvent surpris dans Anna lorsqu'elle aussi était forcée au mensonge. Depuis sa liaison avec elle, il ressentait parfois une étrange sensation de dégoût et de répulsion qu'il ne pouvait définir. Mais pour qui l'éprouvait-il ? Pour Alexis Alexandrovitch, pour lui-même, pour le monde entier ? Il n'en savait rien. Autant que possible, il chassait cette impression. Oui, jadis, elle était malheureuse, mais fière et tranquille. Maintenant, elle ne peut plus l'être, quelque peine qu'elle se donne pour le paraître. Et pour la première fois, l'idée de couper court à cette vie de dissimulation lui apparut nette et précise. Le plus tôt serait le mieux. Il faut que nous quittions tout, elle et moi, et que seuls avec notre amour, nous allions nous cacher quelque part, se dit-il. L'averse fut de courte durée, et lorsque Vronsky arriva au grand trot de son cheval de brancard, les chevaux le volaient, galopant à toute bride dans la boue, le soleil avait déjà reparu et faisait scintiller les toits des villas et le feuillage mouillé des vieux tilleuls dont l'ombre se projetait des jardins du voisinage dans la rue principale. L'eau coulait des toits et les branches des arbres semblaient secouer gaiement leurs gouttes de pluie. Il ne pensait plus au tort que l'averse pouvait faire au champ de course, mais se réjouissait en songeant que, grâce à la pluie, elle serait seule, car il savait qu'Alexis Alexandrovitch, revenu d'un voyage aux eaux depuis quelques jours, n'avait pas encore quitté Pétersbourg pour la campagne. Vronsky fit arrêter ses chevaux à une petite distance de la maison, et afin d'attirer l'attention aussi peu que possible, il entra dans la cour à pied au lieu de sonner à la porte principale qui donnait sur la rue. « Monsieur est-il arrivé ? » demanda-t-il à un jardinier. « Pas encore, mais madame y est. Veuillez sonner, on vous ouvrira. »« Non, je préfère entrer par le jardin. » La sachant seule, il voulait la surprendre. Il n'avait pas annoncé sa visite et elle ne pouvait l'attendre à cause des courses. Il marcha donc avec précaution le long des sentiers, sablés et bordés de fleurs, relevant son sabre pour ne pas faire de bruit. Il s'avança ainsi jusqu'à la terrasse qui de la maison descendait au jardin. Les préoccupations qu'il avait assiégées en route, les difficultés de sa situation, tout était oublié. Il ne pensait qu'au bonheur de l'apercevoir bientôt, elle, en réalité, en personne, non plus en imagination seulement. Déjà, il montait les marches de la terrasse le plus doucement possible, lorsqu'il se rappela ce qu'il oubliait toujours et ce qui formait un des côtés les plus douloureux de ses rapports avec Anna, la présence de son fils, de cet enfant au regard inquisiteur. L'enfant était le principal obstacle à leurs entrevues. Jamais en sa présence, Vronsky et Anna ne se permettait un mot qui ne pût être entendu de tout le monde, jamais même la moindre allusion que l'enfant n'eût pas comprise. Ils n'avaient pas eu besoin de s'entendre pour cela. Chacun d'eux aurait cru se faire injure en prononçant une parole qui eût trompé le petit garçon. Devant lui, ils causaient comme de simples connaissances. Malgré ses précautions, Vronsky rencontrait souvent le regard scrutateur et un peu méfiant de Serge fixé sur lui. Tantôt il le trouvait timide, d'autres fois caressant, rarement le même. L'enfant semblait instinctivement comprendre qu'entre cet homme et sa mère, il existait un lien sérieux dont la signification lui échappait. Serge faisait effectivement de vains efforts pour comprendre comment il devait se comporter avec ce monsieur. Il avait deviné, avec la finesse d'intuition propre à l'enfance, que son père, sa gouvernante et sa bonne le considéraient avec horreur, tandis que sa mère le traitait comme son meilleur ami. « Qu'est-ce que cela signifie ? Qui est-il ? Faut-il que je l'aime? Et si je n'y comprends rien, est-ce ma faute? Et suis-je un enfant méchant ou borné? Pensait le petit. De là, sa timidité, son air interrogateur et méfiant, et cette mobilité d'humeur qui gênait tant Vronsky. D'ailleurs, en présence de l'enfant, il éprouvait toujours l'impression de répulsion, sans cause apparente, qui le poursuivait depuis un certain temps. Vronsky et Anna étaient semblables à des navigateurs auxquels la boussole prouverait qu'ils vont à la dérive sans pouvoir arrêter leur course. Chaque minute les éloigne du droit chemin, et reconnaître ce mouvement qui les entraîne, c'est aussi reconnaître leur perte. L'enfant, avec son regard naïf, était cette implacable boussole. Tous deux le sentaient, sans vouloir en convenir. Ce jour-là, Serge ne se trouvait pas à la maison. Anna était seule, assise sur la terrasse, attendant le retour de son fils que la pluie avait surpris pendant sa promenade. Elle avait envoyé une femme de chambre et un domestique à sa recherche. Vêtue d'une robe blanche garnie de hautes broderies, elle était assise dans un angle de la terrasse, cachée par des plantes et des fleurs, et n'entendit pas venir Vronsky. La tête penchée, elle appuyait son front contre un arrosoir oublié sur un des gradins. De ses belles mains chargées de bagues qu'il connaissait si bien, elle attirait vers elle cet arrosoir. La beauté de cette tête aux cheveux noirs frisés, de ses bras, de ses mains, de tout l'ensemble de sa personne, frappait Vronsky chaque fois qu'il la voyait et lui causait toujours une nouvelle surprise. Il s'arrêta et la regarda avec transport. Elle sentit instinctivement son approche, et il avait à peine fait un pas qu'elle repoussa l'arrosoir et tourna vers lui son visage brûlant. « Qu'avez-vous? Vous êtes malade ?» lui dit-il en français, tout en s'approchant d'elle. Il aurait voulu courir, mais dans la crainte d'être aperçu, il jeta autour de lui et vers la porte de la terrasse un regard qui le fit rougir, comme tout ce qui l'obligeait à craindre et à dissimuler. « Non, je me porte bien, » dit Anna en se levant et serrant vivement la main qu'il lui tendait. « Je ne t'attendais pas. »« Mon Dieu, quelle main froide! Tu m'as effrayé. Je suis seul et j'attends Serge, qui est allé se promener. Ils reviendront par ici. » Malgré le calme qu'elle affectait, ses lèvres tremblaient. « Pardonnez-moi d'être venu, mais je ne pouvais passer la journée sans vous voir, » continua-t-il en français, évitant ainsi le « vous » impossible et le tutoiement dangereux en russe. « Oh, je n'ai rien à pardonner, je suis trop heureuse. « Mais vous êtes malade ou triste ?» dit-il, en se penchant vers elle, sans quitter sa main. « À quoi pensez-vous ? » « Toujours à la même chose. » répondit-elle en souriant. Elle disait vrai. À quelque heure de la journée, à quelque moment qu'on l'eût interrogée, elle aurait invariablement répondu qu'elle pensait à son bonheur et à son malheur. Au moment où il était entré, elle se demandait pourquoi les uns, Betsy par exemple, dont elle savait la liaison avec Trushkevitch, prenaient si légèrement ce qui pour elle était si cruel. Cette pensée l'avait particulièrement tourmentée ce jour-là. Elle parla des courses, et lui, pour la distraire de son trouble, raconta les préparatifs qui se faisaient. Son ton restait parfaitement calme et naturel. « Faut-il ou ne faut-il pas lui dire ? » pensait-elle en regardant ses yeux tranquilles et caressants. « Il a l'air si heureux, il s'amuse tant. » de cette course qui ne comprendra peut-être pas assez l'importance de ce qui nous arrive. Vous ne m'avez pas dit à quoi vous songiez quand je suis entré, dit-il en interrompant son récit. Dites-le, je vous en prie. Elle ne répondait pas. La tête baissée, elle levait vers lui ses beaux yeux. Son regard était plein d'interrogations. Sa main jouait avec une feuille détachée. Le visage de Vronsky prit aussitôt l'expression d'humble adoration, de dévouement absolu qu'il avait conquise. « Je sens qu'il est arrivé quelque chose. Puis-je être tranquille un instant quand je vous sais un chagrin que je ne partage pas? Au nom du ciel, parlez !» répéta-t-il d'un ton suppliant. S'il ne sent pas toute l'importance de ce que j'ai à lui dire, je sais que je ne lui pardonnerai pas. Mieux vaut se taire que de le mettre à l'épreuve, pensa-t-elle en continuant à le regarder. Sa main tremblait. « Mon Dieu, mais qu'y a-t-il » dit-il en lui prenant la main. « Faut-il le dire ? Oui, oui, oui !»« Je suis enceinte !» murmura-t-elle lentement. La feuille qu'elle tenait entre ses doigts trembla encore plus, mais elle ne le quitta pas des yeux, car elle cherchait à lire sur son visage comment il supporterait cet aveu. Il pâlit, voulut parler, mais s'arrêta et baissa la tête en laissant tomber la main qu'il tenait entre les siennes. « Oui, il sent toute la portée de cet événement, » pensa-t-elle, et elle lui prit la main. Mais elle se trompait en croyant qu'il sentait comme elle. À cette nouvelle, l'étrange impression d'horreur qui le poursuivait l'avait saisi plus vivement que jamais, et il comprit que la crise qu'il souhaitait était arrivée. Dorénavant, on ne pouvait plus rien dissimuler au mari, et il fallait sortir au plus tôt, n'importe à quel prix, de cette situation odieuse et insoutenable. Le trouble d'Anna se communiquait à lui. Il la regarda de ses yeux humblement soumis, lui baisa la main, se leva et se mit à marcher de long en large sur la terrasse, sans parler. Quand enfin il se rapprocha d'elle, il lui dit d'un ton décidé « Ni vous ni moi n'avons considéré notre liaison comme un bonheur passager. Maintenant, notre sort est fixé. Il faut absolument mettre fin aux mensonges dans lesquels nous vivons. » Et il regarda autour de lui. « Mettre fin ? Comment y mettre fin, Alexis ? » dit-elle doucement. Elle s'était calmée et lui souriait tendrement. « Mais il faut quitter votre mari et unir nos existences. »« Mais ne sont-elles pas déjà unies ? » répondit-elle à demi-voix. « Pas tout à fait, pas complètement. Mais comment faire, Alexis ? Enseigne-le-moi, » dit-elle avec une triste ironie, en songeant à ce que sa situation avait d'inextricable. « Ne suis-je pas la femme de mon mari ? » Quelque difficile que soit une situation, elle a toujours une issue quelconque. Il s'agit seulement de prendre un parti. Tout vaut mieux que la vie que tu mènes. Crois-tu donc que je ne vois pas combien tout est tourment pour toi, ton mari, ton fils, le monde, tout ? Pas mon mari, dit-elle avec un sourire. Je ne le connais pas, je ne pense pas à lui. Je ne sais pas s'il existe. Tu n'es pas sincère. Je te connais. Tu te tourmentes aussi à cause de lui. Mais il ne sait rien, dit-elle. Et soudain, son visage se couvrit d'une vive rougeur. Le cou, le front, les joues, tout rougit. Et les larmes lui vinrent aux yeux. Ne parlons plus de lui. Ce n'était pas la première fois que Vronsky cherchait à lui faire comprendre et juger sa position, quoiqu'il ne l'eût encore jamais fait aussi fortement. Et toujours il s'était heurté aux mêmes appréciations superficielles et presque futiles. Il lui semblait qu'elle était alors sous l'empire de sentiments qu'elle ne voulait ou ne pouvait approfondir, et elle, la vraie Anna, disparaissait pour faire place à un être étrange et indéchiffrable qui ne parvenait pas à comprendre, qui lui devenait presque répulsif. Aujourd'hui, il voulut s'expliquer à fond. « Mais qu'il le sache ou ne le sache pas, dit-il d'une voix calme, mais ferme, peu importe. Nous ne pouvons, vous ne pouvez rester dans cette situation, surtout à présent. Et que faudrait-il faire selon vous ? Demanda-t-elle avec la même ironie railleuse. Elle, qui avait craint si vivement de lui voir accueillir sa confidence avec légèreté, était mécontente maintenant qu'il en déduisit la nécessité absolue d'une résolution énergique. « Mais avouez tout et quittez-le. » « Supposons que je le fasse. Savez-vous ce qu'il en résultera ? Je vais vous le dire. » Et un éclair méchant jaillit de ses yeux tout à l'heure si tendres. « Ah, vous en aimez un autre et avez une liaison criminelle !» dit-elle en imitant son mari et appuyant sur le mot « criminel » comme lui. « Je vous avais averti des suites qu'elle aurait au point de vue de la religion, de la société et de la famille. Vous ne m'avez pas écouté ? Maintenant, je ne puis livrer à la honte mon nom et... » Elle allait dire « mon fils », mais s'arrêta car elle ne pouvait plaisanter de son fils. En un mot, il me dira nettement, clairement, sur le ton dont il discute les affaires d'État, qu'il ne peut me rendre la liberté, mais qu'il prendra des mesures pour éviter le scandale. C'est là ce qui se passera. Car ce n'est pas un homme, c'est une machine. Et quand il se fâche, une très méchante machine. » Et elle se rappela les moindres détails du langage et de la physionomie de son mari, prête à lui reprocher intérieurement tout ce qu'elle pouvait trouver en lui de mal, avec d'autant moins d'indulgence qu'elle se sentait plus coupable. « Mais Anna, dit Vronsky avec douceur, dans l'espoir de la convaincre et de la calmer, il faut d'abord tout avouer, et ensuite nous agirons selon ce qu'il fera. Alors il faudra s'enfuir. Mais pourquoi pas ? Je ne vois pas la possibilité de continuer à vivre ainsi. Il n'est pas question de moi, mais de vous qui souffrez. » S'enfuir et devenir ostensiblement votre maîtresse ? Dit-elle méchamment. Anna ! S'écria-t-il peiné. Oui, votre maîtresse et perdre tout ? Elle voulut encore dire mon fils, mais ne put prononcer ce mot. Vronsky était incapable de comprendre que cette forte et loyale nature accepta la situation fausse où elle se trouvait sans chercher à en sortir. Il ne se doutait pas que l'obstacle était ce mot « fils » qu'elle ne pouvait se résoudre à articuler. Quand Anna se représentait la vie de cet enfant avec le père qu'elle aurait quitté, l'horreur de sa faute lui paraissait telle qu'en véritable femme, elle n'était plus en état de raisonner et ne cherchait qu'à se rassurer et à se persuader que tout pourrait encore demeurer comme par le passé. Il fallait à tout prix s'étourdir, oublier cette affreuse pensée. Que deviendra l'enfant ? Je t'en supplie, dit-elle tout à coup sur un ton tout différent de tendresse et de sincérité. Ne me parle plus jamais de cela. Mais Anna, jamais, jamais. Laisse-moi rester juge de la situation. J'en comprends la bassesse et l'horreur, mais il n'est pas aussi facile que tu le crois d'y rien changer. Aie confiance en moi et ne me dis plus jamais rien de cela. Tu me le promets ? Je promets tout, mais comment veux-tu cependant que je sois tranquille après ce que tu viens de me confier ? Puis-je rester calme quand tu l'es si peu ? Moi, répéta-t-elle, il est vrai que je me tourmente, mais cela passera si tu ne me parles plus de rien. Oh, je ne comprends pas. Je sais, interrompit-elle, combien ta nature loyale souffre de mentir. Tu me fais pitié, et bien souvent, je me dis que tu as sacrifié ta vie pour moi. C'est précisément ce que je me disais de toi. Je me demandais tout à l'heure comment tu avais pu t'immoler pour moi. Je ne me pardonne pas de t'avoir rendue malheureuse. Moi, malheureuse, dit-elle, en se rapprochant de lui et le regardant avec un sourire plein d'amour. Moi ? Mais je suis semblable à un être mourant de faim auquel on aurait donné à manger. Il oublie qu'il a froid et qu'il est couvert de guenilles. Il n'est pas malheureux. Moi, malheureuse, non. Voilà mon bonheur. » Et la voix du petit Serge, qui rentrait, se fit entendre. Anna jeta un coup d'œil autour d'elle, se leva vivement et porta rapidement ses belles mains chargées de bagues vers Vronski qu'elle prit par la tête. Elle le regarda longuement, approcha son visage du sien, l'embrassa sur les lèvres et les yeux, puis elle voulut le repousser, le quitter, mais il l'arrêta. « Quand ? » murmura-t-il en la regardant avec transport. « Aujourd'hui, à 1 heure, » répondit-elle à voix basse en soupirant, et elle courut au-devant de son fils. Serge avait été surpris par la pluie au parc et s'était réfugié dans un pavillon avec sa bonne. « Eh bien, au revoir, » dit-elle à Vronski. « Il faut maintenant que je m'apprête pour les courses. Betsy m'a promis de venir me chercher. » Vronski regarda sa montre et partit précipitamment.